Spectacle équestre Cheval Mon Rêve, les samedis 30 et dimanche 1er octobre, au théâtre équestre situé 2 rue du Charron à Wetterloo. Un spectacle qui vous fera passer du rêve à la réalité avec les chevaux qui dansent au son de la musique et de la voltige. Un voyage inédit avec le meilleur ami de l'homme à ne pas manquer. Réservation, office de tourisme 03 20 75 85 86. Les 16e Cucurbitades, fête de la courge et de la sorcellerie, auront lieu de dimanche 1er octobre prochain sur le site de l'abbaye de Marchiennes. Spectacle de rue, animation et tradition locale tout au long de la journée qui raviront les quelques 30 000 visiteurs attendus. Renseignements 03 27 90 58 54. Un petit moment magnifique, vendredi 6 octobre 18h30 au centre socio-éducatif de Wetterloo. Si vous voulez passer du rire aux larmes en une poignée de minutes, alors rejoignez le théâtre de l'Evny et laissez-vous entraîner vers un beau voyage zen et plein de malice. Tarif unique 2 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie, office de tourisme, rue Carnot, 03 20 75 85 86. 15e édition de la fête de la science, du 9 au 15 octobre, au forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Le thème abordé cette année, santé, travail, environnement et nouvelles perspectives de recherche. L'occasion de découvrir les multiples facettes de la science et pourquoi pas susciter des vocations. Renseignements 03 20 19 36 16 ou sur forum-des-sciences.fr. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Encore. We'll be right back. ass motherfuckers. I eat an ounce motherfuckers. I fuck motherfuckers. I squat your house motherfuckers. I squat your house. Fuck. Make you bounce motherfuckers. Hit me drum. I make you bounce. is not right. You're getting tired of this life. You just don't know how to thrive. Maybe one day you'll see life's in motion. You ought to be flowing with it every day. No matter how, just find a way. Open your eyes and feel newborn. There's no reason, no need to mourn. Things will change and you will see that your mind will set you free. Don't be impatient, don't run away. Let me tell you that one day you'll see how easy it is. Easy, easy, easy, easy.

Future Galaxy.

I'm You.

around with my feelings has been too hard on me. Just listen to my voice, think I've something nice to say to you now. Oh, So real, I can't explain the way.